dans vos oreilles. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. D'aujourd'hui à Assemblage requis. On se débouche une canne de Stéphanie Gagné avec son plat favori. On reçoit Audrey Tremblay qui vient nous parler du journal Zone Campus. Tout ça à Assemblage requis, ça commence tout de suite. Est-ce que ce serait une nouvelle intro que j'ai entendue là, François-Olivier Marchand? C'était très bon. Je pense que oui, c'est l'été. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce lundi 24 janvier. Moi, c'est Mathieu Pant. Moi, c'est François-Olivier. Salut François-Olivier. Ça va bien? Dis sur un ton très grave. Ah, j'ai fret un matin, là. Ah. On dirait que j'ai fret aux os. Ah, ça va jusque-là? C'est profond, ça? Oui, c'est très profond. Caroline, habillez-vous chaudement, Tarouette, et puis partez de bonne heure, parce que pas garanti que votre auto va partir. Comme dans l'intro, j'ai entendu dire que c'était un peu ce qui s'était arrivé aujourd'hui à toi. Ouais, mais elle est partie, là, mais... Elle finit par partir. Ouais. Elle a eu de la misère, mettons. Nous, le gars dans l'intro, je suis pas sûr qu'il est encore... peut-être qu'il est encore en train d'essayer de partir sur l'auto. Peut-être. Je suis pas tout à fait certain. Aujourd'hui, à l'émission, on a un plan chargé, comme toujours. On reçoit Stéphanie Gagné. Elle est enfin de retour avec ses deux chroniques du lundi. Pour la première fois de 2011. Oh, que oui. Elle va nous parler de ses coups de cœur du moment et peut-être des fêtes dans sa chronique, ton plat favori. Il y a aussi ses sorties spectacles intéressantes à faire. C'est dans Take Me Out. Parfait, ça va être autour de... C'est dans le coin de 8h30. 30 minutes. C'est ça. Parfait. À 8h, on reçoit Yann Martel du service aux étudiants qui va venir nous parler en fait de la journée carrière. Mm-hmm. Ça va se dérouler au CAP ce mercredi cette semaine. Oui. Donc, soyez là, ça va être aux alentours de 8h. Mais avant ça, à 7h30, on a Audrey Tremblay avec son tour du prochain numéro du Zone Campus. Celui qui est là, en kiosque là. Qui est déjà là. Juste là. Dans vos kiosques. Il y a le recteur qui démissionne en couverture. Oui. On va aussi sûrement. On va glisser quelques mots sur le carnaval étudiant qui débute aujourd'hui, le Café Baileys, et etc. etc. On va voir la programmation complète tout à l'heure à vous partager. Tiens. C'est une belle grosse émission qu'on a là pour ce lundi. Commençons à l'instant en musique avec quelque chose pour nous mettre dedans. Oui. Te mettre dedans. Oui, peut-être. Peut-être. C'est Chad Van Gerlen avec Willow Tree au 89.1 FM. C'est fou. Bonne émission. Hein? C'est notre nouveau, mais pas mal étrangement similaire, Assemblage requis qui commence aujourd'hui en passant. Étrangement similaire. Light it on fire. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Notre cœur! Oh oui, notre cœur d'Alex Nevsky à Assemblage requis au 89.1 FM. C'est votre émission matinale en pièces détachées. On ne dira jamais assez. En fait, on dit souvent beaucoup, mais bon, c'est pas grave. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Tu as des nouvelles pour nous? Des nouvelles qui se passent ici même à l'UQTR. Ah. En fait, une petite revue là, de ce qui s'en vient cette semaine. On commence ce soir du côté de la chasse-galerie et ça commence à 19h30. C'est de l'improvisation. Hein? Quelle surprise, comme à chaque lundi. Ben oui, c'est une tradition, quoi. Match de la Luître, donc c'est le retour à la saison régulière et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis, aujourd'hui même, et ça commence à 8h, c'est le carnaval qui lance ses activités. Oui. C'est une compétition qui se veut amicale entre les associations étudiantes et qui se déroulera du 24 au 27. Donc, c'est vraiment cette semaine que ça se passe. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, on va avoir un petit récapitulatif. Récalitus sapinomarcella. Récalitus, c'est bon pour la grippe. C'est ça. Un peu plus tard dans l'émission. Comme je vous dis, en fait, ça commence ce matin. Donc, le Café Belay, c'est... Et de mise ce matin pour affronter les moins 30 degrés. Donc, c'est pas pour rien qu'ils mettent un S à Bailey's, hein, parce qu'il faut t'en prendre deux. T'as pas le choix. Si vous voulez d'informations sur les activités, ce truc-là, vous pouvez d'ailleurs visiter le site internet uqtr.ca/carnaval. Donc, voilà, et ça se déroule jusqu'au 27 janvier. Demain, profession étudiant, un métier temporaire. C'est en fait une conférence qui se veut gratuite au... il ne mentionne pas en fait le lieu, par exemple. Donc, si vous voulez des informations, vous pouvez visiter leuqtr.ca/SAE, trait d'union psycho. Ah! Donc, ou contacter Mme Hélène Rousseau au poste 6056. Et puis, mercredi, comme on va savoir un peu plus tard, en fait, ça va être la journée carrière ici même qui va se dérouler au CAPS. Donc, si vous cherchez un emploi ou vous êtes finissant, vous savez pas, en fait, là, où travailler, qu'est-ce qui se passe dans la région, vous êtes nouveau, d'ailleurs, dans la région, allez là, en fait, il y a beaucoup d'exposants. Je pense qu'il y a à peu près 90 organismes. C'est ça que Yann Martin nous dit la semaine passée. C'est presque une centaine. C'est pas loin de... Et puis d'ailleurs, il va y avoir le Carrefour Jeunesse Emploi qui va nous faire qui va tenir des activités en fait là pour regarder les CV des gens, les lettres de motivation, ces trucs-là, des trucs pour les entrevues, ces trucs-là. Donc ça va être fort intéressant. Mercredi, ici même au CAPS. Et puis le 29, je pense que c'est vendredi. C'est samedi, ok. Donc, journée porte ouverte ici même de l'UQTR. Donc, il va y avoir une présentation des programmes, des différents programmes. Ça se déroule toujours au CAPS. Et c'est de entre midi et 16h. Donc, pour les futurs étudiants, ça peut être très bien de venir découvrir les programmes, les pavillons et surtout sa vie universitaire unique. Donc, voilà. Merci François. Ben ça fait plaisir. Très apprécié. Tu disais qu'on avait le carnaval qui commençait aujourd'hui. Alors c'est le moment de mettre nos souliers de danse, de piler sur le dance floor. Voici donc le boom ti poum ti poum du carnaval du lundi. Voici la programmation du carnaval étudiant pour ce lundi 24 janvier. Dès 10h, la parade intemporelle. Midi 15, le défi sculpture. 14h, extrême disque volant ultime. 16h, prestation musicale. 19h30, Dieu marchi. Et 22h, le party d'ouverture avec Delta 20 et Dance Lurry Dance. Pour connaître l'ensemble de la programmation et les lieux d'activité, veuillez consulter le cahier des participants au www.uqtr.ca/carnaval et syntoniser C'est fou durant les émissions quotidiennes. Oh, merci, carnaval, merci. Ou plutôt marchi. Eh hey, mais il a pas dit Café Belay ce matin. Non, il l'a pas dit. C'est vrai, mais c'est le cas pareil. C'est au 10-12. Oui. Et puis, j'espère que vous avez savouré la pièce derrière le carnaval, parce que vous l'entendrez pas souvent sur les ondes de C'est fou, à part dans la pub du carnaval. Vous êtes à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. François-Olivier Marchand, Mathieu Plante avec vous jusqu'à 9h. Dans quelques minutes, on va recevoir Audrey Tremblay pour parler du Zone Campus. Avec nous, on va discuter, on va partager, on va faire du social, comme on le fait avec du carnaval. Le carnaval, ça tisse le lien social, qu'ils disent. OK. Ça tisse le lien social. Ouais, nous, on bien. Tisse le lien matinal avec Audrey Tremblay. Avec Audrey Tremblay. Merveilleux. C'est ça, le nouveau assemblage requis, mais c'est-tu pas beau? Pas mal pareil comme il était avant. Oui, c'est beau. C'est beau. C'est bon. C'est beau, c'est bon. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Du tout, ça va pas cher. Ariel avec Mauve, tout de suite. Au 89 FM, c'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Assemblage requis jusqu'à 9 heures. Hey, on l'a-tu, l'annonceur viril, nous a? Il y a une belle voix. Il est viril. Il a une belle voix. Et écoute, j'ai déjà entendu ça, c'est fou, mais je ne sais pas dans quel sens. Je sais pas. Il a l'air je pense que c'est dans les palmarès. Ah, ça se peut, non. Je pense pas. C'est Danny Janvier, du Dîner de con. Ah! Bon, vous êtes à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Mathieu Plante. Maintenant, c'est le moment de parler d'actualité, d'art et spectacle et de sport. Dans cet ordre-là, voici Audrey Tremblay et sa chronique Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Ah, tu veux pas mettre d'écouteurs, c'est toi, c'est ton choix. Tu comment, Audrey, là? C'est pour entendre qu'est-ce qui se passe dans la radio. Salut, Audrey. Bon matin. Tu vas bien? Ça va très bien, vous autres? Ben oui. Oui. T'as eu un problème d'auto, toi aussi, ce matin, je pense, hein? Ben, il était gelé un peu, mettons. Ah oui. Pas fort. Ben, c'est à partir du premier coup, par exemple. Ah ouais. Ah ouais. Ben, il a pas le choix, il est flambant nous. Ouais. Sinon, hein, ouais. T'appelles, puis c'est pas long. Bon, donc, parlons de Zone Campus. C'est notre sujet de conversation tous les lundis matins aux deux semaines. Sur la une, Zone Campus, c'est évidemment, on pouvait pas passer à côté, le recteur qui démissionne. Effectivement, ça aurait été dur de passer à côté. C'est la grosse nouvelle sur le campus qui s'est propagée très rapidement. C'était une traînée de recteur. Exactement. Aux actualités, on va parler des Jeux de génie, les Jeux du commerce. Les Jeux du commerce qui ont remporté leur première position depuis longtemps. L'Assemblée générale spéciale qui a été retardée, qui n'a pas de date de fixer. OK. Il n'y a pas de date de fixer. Non. On a cancellé celle qui était prévue, puis sûrement qu'on aura des détails au courant des prochains jours. On l'espère, ce sera dans le prochain Zone Campus, peut-être. Et voilà. À l'éditorial, Simon Fitzbé vous parle du carnaval, de ses avantages et ses inconvénients. Oui, bons arguments là-dessus. Toujours très intéressant, Simon Fitzbé, nouvel éditorialiste pour la saison hiver 2011. Ouais. Il écrit bien, il fait bien ça. C'est un très, très, très bon texte à lire sur le carnaval. Le carnaval s'explique. On sait que dans la dernière édition, on avait parlé du mécontentement des étudiants par rapport au pichet tonto. Le carnaval s'explique dans cette édition-là. Il avait fait une page Facebook et tout pour ramener le pichet tonto. Et là, c'est remplacé par un tournoi de beer pong. Effectivement. Beer pong. On parle aussi d'endettement avec le début de la session, les prêts et bourses, la gestion de l'argent des étudiants. On a des textes sur le crédit, sur l'aide financière et les cartes de crédit. Puis aussi, on vous suggère des outils pour mieux gérer votre argent. Votre argent, ben oui. Des conseils pour vous. C'est ça que Zone Campus fait. Conseils. Section société maintenant, c'est le retour de Sophia. Oui. Avec ses confessions. Exactement. Sophia qui parle de politique et d'actualité internationale. Mm-hmm. Le fantasque est toujours de retour, lui, à chaque numéro depuis un long moment, et on l'apprécie beaucoup, c'est Hubert Sanson, étudiant en histoire, il fait de belles caricatures. Section vie étudiante, évidemment, notre Vox Pop, la question, participerez-vous aux activités du carnaval, c'est un classique. Effectivement. Les activités à venir sur le campus, et puis des petites photos du campus en action. Toujours bien, ça. Si vous n'avez pas vu, hein, ces affaires-là, là, vous les voyez sur papier. C'est toujours agréable de savoir qu'est-ce qui se passe sur le campus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a raté? On passe en art et spectacle maintenant. Oui. Le centre d'exposition Léo Ayotte qui présente une exposition de photos qui va être à l'affiche durant tout le mois de janvier. Mm-hmm. C'est à Shawinigan. Je pense que ça vaut vraiment la peine de se déplacer. Oui. On parle de la soirée poésie qui a eu lieu à la Chaise Galerie jeudi dernier, oui. L'autre jeudi d'avant. Oui. Ouais, effectivement, ouais, le 13. Ouais. Mélissa Beaupré vous parle du spectacle des apartistes, du match spécial d'improvisation qui a eu lieu au début de la session, des expositions à venir et qui sont à l'affiche présentement au presse-papier. Et on parle des étudiants au certificat en interprétation théâtrale qui vont faire une pièce de Michel Tremblay. Mélissa Beaupré vous parle aussi du concours des fonds TV5. Qui s'adresse à tout le monde, qui peut être très, très, très intéressant si vous avez des talents de cinéaste. Oui, tout à fait. L'année passée, c'était Alexandre Desty qui avait gagné pour Dans Sainte-Cécile. Très, très bonne série de petits courts-métrages, finalement. Petits courts-métrages, c'est un peu redondant. Bon. Mais quand même, très beau travail pour eux. Et puis, ben, peut-être que vous pourriez être les prochains Alexandre Desty. Et les autres, là, David Leblanc et tout. toute la variété de gens sympathiques. Ça, c'était les arts et spectacles. Il nous reste les sports. Ouais. Les sports. En sport, on va parler du début de saison au soccer féminin et masculin. Soccer intérieur, naturellement. Oui, j'espère pour eux, en tout cas. Ça, quoi. En natation, 3 médailles dans la dernière compétition pour l'équipe, pour les Patriotes de la natation. On va parler du décès de Jean-François Auger aussi, qui était un entraîneur, un pionnier dans les Patriotes golf. C'est grâce à lui que le golf est à l'UQTR. En fait. Ouais, effectivement. Puis on termine avec la saison des Patriotes, le retour des fêtes des Patriotes qui est assez partagé. Mm-hmm. Et on se rappelle que les matchs des Patriotes ou certains de ces matchs sont diffusés sur les ondes de CFOU 89.1 FM. C'est une nouveauté. On aura l'occasion d'en reparler plusieurs fois avec Nicolas Ducharme. Voilà pour le tour du Zone Campus avec Audrey Tremblay. Merci. Ça fait plaisir. Il est beau. Il est beau. Puis celui-là, il est beau. Beau, hein? Ouais. Il se frappe bien sur le bord de la table pour se remettre dans l'ordre, pour que les feuilles ne dépassent pas. Là. Moi, j'aime ça que quand les choses sont ordonnées, je peux le plier en deux avec la face du recteur par en haut. Ah, tiens, regarde-moi ça. Je le donne même. Ah, le recteur me regarde. Peu importe où je le mets, il me regarde. Tout de même. Wow. Bon. Merci, Audrey Tremblay. Ça fait plaisir. À dans deux semaines. Merci, madame. Les lundis à 8h d'habitude, mais là, 7h30 cette semaine à cause de Yann Martel, le mot t'a dit. Et voilà. Tu vas venir me parler de la journée carrière. Tannant, il t'enlève ton spot. C'est pas grave, ça me fait plaisir de te donner. C'est une bonne heure un matin avec un fait. Ah, tout à l'heure, tu disais, Yann Martel, qu'on va recevoir du service aux étudiants. On va parler de la journée carrière qui a lieu mercredi. Exact. Donc, restez là pour ça. Hein? Tout à fait, tout à fait. Ben, okay. Et puis, on va recevoir Audrey pour Audrey Tremblay. On l'a déjà reçu. Elle me dit quelque chose. Non, Stéphanie Gagné. Mm-hmm. Mm-hmm. Un peu plus tard, aux alentours de 8h30, avec Take Me Out et puis... Ton plat favori. Ton plat favori. C'est deux chroniques hebdomadaires qui sont de retour enfin, mais pour l'instant, on écoute Flat. Voici Technicolor. Je prends. L'assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jay Gonzalez et la pièce Never Stop à Assemblage Requis. Cette pièce-là est sur le palmarès anglophone de C'est Fou et c'est aussi dans une pub d'iPad. Hein? C'est de là que vous la reconnaissez peut-être si vous êtes un amateur de produits Apple. Peut-être. Bref, Chili Gonzalez et Never Stop. Mais à Apple, ils ont toujours des chansons qui restent marquées dans la tête. Oui, ben des pièces qui sont semi-accrocheuses. Oui, oui, tout à fait. Pas projet de semi, ils sont juste complètement accrochés. CSS, je pense, Kanzer. Bref, une autre publicité. Là, OK. CSS, ouais, le groupe, c'était ça. J'en doute pas. Ouais, c'était bon. C'était bon, c'était vraiment très accroché. Il y a un blog, c'est un fait qui s'en vient tout à l'heure. On va parler, entre autres, d'un gars qui a payé son le prix que l'université coûte, là. Comment tu appelles ça? Son frais d'admission. Ses frais d'admission, etc. Ses frais pour avoir un cours à l'université. Il a payé ça en argent. Complètement en argent, en billets d'un dollar. On va aussi parler de comment passer à travers un examen plus facilement. Dans C'est un fait plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, on écoute Gaslight Anthem avec quelle pièce, François? Hold on. Hold on. Hold on. C'est ça? C'est celle-là? Oui. C'est bon. Oui. Hold on. Hey, j'ai marqué hold on pour lui. Ben oui, c'est pas grave. You bring it on, ça je sais. Hold on. On a un nouvel environnement sonore à Assemblage Requis ce matin, mais on n'a pas plus de pertinence. Non. On est toujours les mêmes, et ça, on changera pas. Essayez pas. On reste comme on est. Gaslight Anthem et la pièce Old Hans. C'est ça? Old Hans. Ouais, c'est ça. H-A-U-N-T-S. Bon. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Maintenant, François. Mathieu. François. Mathieu. François. Oui. François. Vas-y. Quoi? Hein? Je sais pas. Ah, partir une dactylo? Je sais pas. Non. Mais c'est difficile le matin, par exemple. Surtout à matin. Là. Ouais, ring, ding, ding, ding, ne marche pas partout, ça. Non. Bref, je l'ai mis, je l'ai comme réchauffé avec la petite prise de courant qu'on a dans le coin. Ben, tu l'as branché. C'est ça. Elle devrait partir correctement. Ah, ben oui. Bon, maintenant que la dactylo est partie, je peux vous taper des faits dans la face. Des choses utiles à savoir, des choses véridiques, véritables et vérifiables, comme on pourrait le dire. Comme si, mettons, on avait à trouver un slogan, ça pourrait être ça, François. Hein? Ça pourrait être bon. Ça pourrait être pas bien. Sais-tu que les hommes peuvent être allergiques à leur propre sperme? Ah ouais. C'est vrai. C'est une condition bizarre qui s'appelle le post-orgasmic illness syndrome, le syndrome de la maladie post-orgasmique, si on veut. Ça donne aux personnes qui en souffrent des symptômes qui ressemblent au rhume immédiatement après le climax. Ces symptômes-là peuvent durer jusqu'à une semaine. Il y a par exemple fièvre, être fatigué, avoir les yeux qui brûlent, avoir le nez qui coule. Des études récentes ont suggéré que la condition est en fait une allergie et non psychologiquement basée. C'est pas quelque chose de psychologique. Un traitement qui s'appelle l'hyposensitisation peut réduire l'impact des symptômes, mais peu d'hommes vont se faire traiter parce qu'ils ne réalisent pas que cette maladie-là est vraiment une condition médicale. Ouais, c'est bizarre. Sais-tu qu'Ariel est la seule princesse de Disney qui a un enfant? Non, je pensais que tu parlais du groupe de musique. Non, c'est ça, peut-être. On voit ça dans l'affreuse suite. Là, tu sais, tous les films de Disney ont une suite qui va directement sur DVD. Celle-là, c'est Little Mermaid 2, Return to the Sea. Dans le film, la fille d'Ariel, Mélodie, est rebelle, un peu comme sa mère. Et encore une fois, là, toute la famille est en jeu, etc., etc. Par contre, dans ce film-là, la deuxième partie, Mélodie est une humaine qui veut devenir une sirène. Donc, c'est pas du tout le même scénario que le premier ou c'était le contraire, là, vraiment. Là, ils ont vraiment tiré ça, là. En tout cas, bref. Et là, ils demandent l'aide de Morgana au lieu de Ursula dans ce film-là. Bref, les suites de Disney sur vidéo sont pas quelque chose à conseiller. Mais bon, au moins, ce qu'ils disent de positif, c'est que la plupart des personnes qui ont fait les voix reviennent pour la suite parce que c'est dans leur contrat. Le monde consomme au-dessus d'un million de tonnes de chocolat par année. OK, tout le monde ensemble. Au complet. L'Américain moyen mange à lui-même 12 livres de chocolat par année. C'est beaucoup. Mm-hmm. Mais en tout, le monde consomme plus d'un million de tonnes. Un homme en Californie a été poignardé dans le cou après avoir demandé à une femme de fermer son téléphone cellulaire. Hey, ouais. C'était au film, au film Shutter Island. Donc, un gars que ça y dérangeait qu'une fille parle au téléphone. Je pense que c'est normal. Une fille qui parle au téléphone. C'est au cinéma, c'est là. Ouais, au cinéma, exactement. Il s'est plaint à la femme. Elle a quitté le cinéma avec une paire d'hommes, donc deux hommes avec elle. Et après ça, les hommes sont revenus quelques minutes plus tard et ont poignardé la victime dans le cou avec un thermomètre à viande. L'homme a été hospitalisé avec des blessures sérieuses et les deux suspects sont toujours recherchés. Wow, hein? C'est savoir vivre ça. Ouais. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber quand tu insultes quelqu'un pour quelque chose. Le cœur moyen, le cœur humain moyen bat 100 000 fois par jour. Ce qui pousse environ 2000 gallons de sang à travers le corps humain. Par jour? Ouais, c'est ça, par jour. Pendant une vie de 70 ans, disons en moyenne, l'être humain, le cœur humain va battre plus de 2,5 milliards de fois. Si tous nos vaisseaux sanguins étaient mis bout à bout, ça ferait environ 60 000 milles, c'est-à-dire que ça ferait le tour de la planète plus de deux fois. Wow. Impressionnant. Mm-hmm. Les dents de lapin n'arrêtent jamais de pousser, savais-tu? Non. C'est vrai. C'est pour ça que les lapins sont reconnus pour leur excellent... comment t'appelles ça? Quand tu manges bien rapidement? Quand tu manges très très vite des... Bref, en tout cas, c'est que s'il faisait pas ça, manger très très vite avec ses dents, ses dents pousseraient trop. Et c'est vrai pour d'autres animaux aussi, comme les chevaux par exemple. Voilà, un lapin, ses dents n'arrêtent jamais de pousser. Écrire, je m'excuse, écrire c'est stress. Juste avant de prendre un examen, peut augmenter ton pointage, si on veut, ta note d'examen. Écrire, ses soucis, ses stress. Ah ouais. Donc, c'est une étude qui a été publiée en 2010 qui montre que simplement exprimer ses stress et soucis sur papier avant de faire un examen, dans le fond, peut soulager le stress et vous aider à avoir une meilleure performance pendant votre examen. Et c'est surtout vrai, on dit, pour les étudiants qui sont anxieux avant un test à l'école. Donc, voilà. Intéressant. C'est ça. Savais-tu que l'icône artiste sur ton iPhone ou ton iPod Touch, tu sais, quand tu vas dans le mode musique, il y a une petite icône artiste avec un gars qui chante à un micro, là. Et bien, cette icône-là, c'est une silhouette de Bono, le chanteur de U2. On se rappelle qu'en 2004, Bono et les autres joueurs du groupe avaient une relation très, très rapprochée avec Apple. Le groupe avait filmé une publicité pour le iPod. Toute leur discographie de 400 chansons avait été mise en vedette dans le premier iTunes Digital Box Set, même qu'ils étaient en vedette sur leur propre iPod édition U2. Le groupe, depuis ce temps-là, a changé d'avis. Ils se sont éloignés d'Apple et ont même formé un partenariat avec la compagnie BlackBerry, qui est un rival, en fait. C'est pas la compagnie BlackBerry, c'est un produit. Research in Motion est le nom de la compagnie. Ah, artiste, moi aussi, je peux vous en donner des films même. Là. Bref, avec BlackBerry, c'est quand même le compétiteur du iPod. Un autre petit truc, le fun à savoir sur l'iPhone, c'est que la petite épingle rouge sur la carte du logo Maps sur ton iPhone ou ton iPod Touch, la petite pinouche, là, elle pointe l'adresse qui est le quartier général de Apple à Cupertino, en Californie. Le One Infinite Loop, c'est là que la petite pinouche rouge pointe. Ah. Voilà. Continuons avec un étudiant de l'Université du Colorado qui a payé ses frais d'admission et ses cours en argent avec un sac rempli de billets de 1$. C'est Nick Ramos qui a décidé de payer ses frais d'admission du printemps un petit peu différemment et il a amené un sac rempli de 14 309 de billets de 1$. Une pièce de 50 cents. 14 309. Ouais. Pour une session. Ouais, une session. C'est cher. Ça, c'est très, très cher. Aux États-Unis. Ouais. Il a mis 50 cents et puis un autre cent noir. Le sac pesait 33 livres et ça a pris à Ramos deux journées complètes pour retirer les fonds requis de plusieurs banques de l'endroit d'où il habite. Ça a pris trois personnes à l'université et presque une heure chaque pour compter le paiement au complet. Évidemment, la cascade était une blague, mais pour Ramos, un étudiant en économie, il voulait aussi dire et montrer comment ça coûte cher d'aller à l'université ou au collège pour les étudiants américains aujourd'hui. Savais-tu que ça coûte plus cher pour fabriquer la boîte de carton des Shredded Wheats que pour faire les Shredded Wheats elles-mêmes? Non, pas vrai. La boîte coûte plus cher. Ah ouais. Je savais pas ça. C'est non plus. Eh bien, ça goûte la même chose en passant, je trouve. De la boîte de... Et puis là, non? T'aimes les Shredded Wheats? Ouais, j'ai pas ça. OK. Toi, non? Non, j'ai ça. Ben, tu mets du sucre un peu. Hein? Beaucoup. Plus de sucre que de céréales. Peut-être. Ça se pourrait. Tu connais Patrick Swayze? Oui. Patrick Swayze qui a lâché le collège, l'université pour aller en tournée avec Disney on Parade et jouer le prince charmant. Je savais pas ça. Lâcher l'université pour ça. Eh ben. et le mot du jour pour terminer, tu sais. Savais-tu que quand tu joues aux échecs et que tu peux plus faire aucun mouvement, chacun de tes mouvements va être à ton désavantage, dans le fond, va te nuire. Chaque mouvement que tu ferais quand tu es rendu à ce moment-là du jeu, ça s'appelle un Zog-Zwang. C'est pas ça qu'il appelait échec et mat? Non. Échec et mat, c'est quand tu peux plus du tout bouger. Okay. C'est quand chaque mouvement que tu ferais avec ton. Ça te nuirait à toi-même. Ok. Ouais. Bref, voilà. Comment le Zug-Zwang? Zug-Zwang. Zug-Zwang. Zug-Zwang. Z-U-G. Z-W-A-N-G. Ok. Zug-Zwang. Zug-Zwang. Bon. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Il y en aura d'autres demain, François. Merci Mathieu. Fait plaisir François-Olivier. Et en même temps, ben, c'est la fin de la première heure. Tu auras remarqué. Déjà. On va voir Yann Martel tout à l'heure. Qui va nous parler de la journée carrière. Stéphanie Gagné aussi. Oui, avec ses deux chroniques, ton plat favori et Take Me Out. Mais pour l'instant, on revient après la pause. Hein? Après la pause. Okay. Toujours dans le nouveau, mais quand même pas mal... semblable. Pas mal semblable à Semblage Rocky. Reste là. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bon, on c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. Autant direct des studios de C'est fois à Trois-Rivières en ce lundi 24 janvier. François-Olivier Marchand est là. Mathieu Plante. Oui, et vous savez, vous l'avez peut-être entendu il y a quelques secondes, le service aux étudiants est fier de présenter Assemblage requis. Et nous sommes fiers de recevoir le service aux étudiants à Assemblage requis. Hein? Exactement. C'est un peu exactement. Ça, non? Ben oui, certainement. Je dis pas de mensonge ici. Ben non, jamais. Oui, on reçoit Yann Martel qui va nous parler des journées carrières avec madame... Hey, désolé, j'ai oublié votre nom. Marie-Ève Perron. Marie-Ève Perron, désolé. Je suis pas fier de moi, là. Donc, c'est ça, la journée carrière, on sait que ça se passe mercredi au niveau du CAPS. Est-ce que vous voulez, par exemple, nous expliquer un peu c'est quoi? Bien, la journée carrière, c'est mercredi prochain, de 10h à 16h. C'est, dans le fond, la journée, on regroupe 90 entreprises et organismes qui est là pour recevoir les étudiants, les diplômés, les finissants et monsieur, madame, tout le monde. C'est la journée carrière, donc c'est les entreprises qui sont là pour parler des besoins qu'ils ont en recrutement. Ça peut être aussi pour offrir des futurs stages aux étudiants. Aux étudiants. Oui, des milieux. Dans le fond aussi, c'est nos étudiants peuvent aller poser des questions, voir qu'est-ce que les entreprises offrent, que ce soit pour des stages, des emplois futurs, des questions. Oui, tout à fait. Soit les étudiants vont penser que la journée carrière s'adresse uniquement aux finissants, mais par contre, il y a aussi des possibilités d'emploi d'été. Alors, les étudiants qui sont en cours de formation, qui sont là, qui sont ici sur le campus puis qui n'ont pas encore terminé, bien, moi, je les encourage fortement à se présenter à la journée carrière parce que c'est une belle occasion de rencontrer des entreprises, des organisations qui ont des stages, comme disait Marie-Ève, qui ont des emplois permanents, mais qui ont aussi des emplois d'été. Donc, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui s'adresse uniquement aux finissants. Là. Les étudiants en cours de formation sont aussi bienvenus à la journée carrière. Merveilleux. Et si on n'est pas étudiant, exemple, ou si on est étudiant du cégep, du collège, on peut se présenter là. Tout à fait. Tout le monde est bienvenu. C'est vraiment, oui, c'est un événement qu'on organise a priori pour nos étudiants, nos finissants, nos diplômés de l'UQTR. Mais par contre, les étudiants, les finissants des différents collèges de la région, monsieur, madame, tout le monde, comme disait Marie-Ève, on a fait de la publicité régionale aussi à travers le Nouvelliste, tout ça. Alors, tout le monde est bienvenu. On ne demande pas de carte étudiante à l'entrée. C'est tout à fait gratuit. Alors, présentez-vous. Vous, comme disait Marie-Ève, il y a 90 entreprises et organisations qui vont être sur place. On peut se prétendre la plus grande foire de l'emploi dans la région parce que c'est vraiment... Il y a certains autres salons qui axent au niveau de la formation, d'autres services, mais nous, vraiment, là, les gens qui arrivent au salon vont trouver des entreprises qui recrutent, qui sont là pour offrir des possibilités de carrière. Plus vous avez parlé, en fait, 90 entreprises, organisations, j'imagine que la majorité, ils viennent de la région, mais il y en a d'autres ailleurs, en fait, qui recrutent. Il y en a de partout, là, de Montréal, de Québec, la Naudière, du nord du Québec. À travers vraiment, le Canada ouais, il y en aussi. A d'un peu partout. C'est des représentants des ressources humaines, donc il faut arriver bien préparé aussi pour discuter avec eux, là. Que les autres, en fait, présentent, j'imagine, un peu leur région, essayent de vanter un peu leur coin de pays. Oui, tout à fait. Ça, c'est... Leur pénurie de personnel, donc ils sont là pour du recrutement, là. C'est un phénomène qu'on parlait un petit peu la dernière fois, mercredi dernier, quand on est venu ici. C'est ça, il y a beaucoup de régions qui se mobilisent maintenant puis qui envoient des représentants régionaux, des agents de migration qui viennent parler des possibilités d'emploi dans leur région parce qu'on sait souvent qu'il va y avoir une migration des jeunes vers les centres urbains pour la période de formation, mais par la suite, les régions ont des besoins aussi en main-d'œuvre. Donc, de se présenter dans des salons comme ça, de venir rencontrer des futurs professionnels qui ont la formation requise, c'est certain que eux, c'est intéressant pour eux puis c'est pour ça souvent que les régions se mobilisent avec... Les Carrefour Jeunesse Emploi, la conférence régionale des élus, les différentes entreprises de développement économique des régions, ces gens-là se mobilisent et envoient des gens justement pour aller attirer des futurs professionnels dans leur région. OK. Et puis, les grands secteurs, peut-être, d'activité qui recherchent le plus, en fait, de personnes, c'est quoi là, pour cette année? Mais c'est sûr qu'on retrouve tout ce qui est le domaine de la santé, okay. Qui en a énormément. Mais il y a le milieu économique, le milieu du génie. Il y a aussi là, le milieu informatique. Mais c'est sûr là, que le domaine de la santé, on le cachera pas, qui est en grosse pénurie. Mais moi, je dis aux chercheurs d'emploi, allez quand même discuter avec ces employeurs-là. Parce que si on prend, par exemple, un milieu de la santé, un centre hospitalier, ils recherchent quand même des techniciens en comptabilité. Ils vont chercher okay, oui, du bon monde point. Dans tous les domaines. C'est une grosse ville, un centre hospitalier, donc ils vont rechercher de tout. Fait que quand on va discuter avec eux et qu'on fait une bonne impression, bien, ils vont partir avec votre CV, même si vous êtes comptable, même si vous êtes technicien en ressources humaines, que vous êtes dans n'importe quel domaine, si vous faites bonne impression, ils ont besoin de vous pareil. Fait qu'il ne faut pas se limiter à dire... Il ne faut pas se dire, ben, moi, je suis pas infirmier. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas podiatre, je ne suis pas chiro, donc je peux pas aller voir un centre hospitalier. Non, c'est pas vrai. Faut vraiment, faut pousser. Donc, c'est de là l'importance, si vous êtes pas nécessairement prêt d'aller rencontrer sur place. On va avoir le Carrefour Jeunesse Emploi qui va être là, qui est un de nos partenaires depuis plusieurs années, Stratégie Carrière. Il va y avoir plusieurs partenaires qui sont là en recherche d'emploi. Donc, d'aller discuter avec eux, d'aller voir si votre CV est bien à jour, d'aller voir c'est quoi les bonnes questions que je peux poser aux employeurs. Donc, quand on est bien préparé, on pose des bonnes questions, on fait bonne impression. Donc, on est prêt à aller rencontrer nos employeurs. Parfait. C'est intéressant, en fait, tu as abordé le point du Carrefour Jeunesse Emploi. Eux autres vont être là. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres? Il va y avoir en fait des conseillers qui vont être sur place, qui vont offrir a priori deux types de services. Première chose, les visiteurs qui se présentent à la journée carrière vont pouvoir faire évaluer leur curriculum vitae. C'est certain que, il va y avoir la possibilité aussi de faire des petites retouches sur place pour l'améliorer si vraiment on s'aperçoit que là, la personne ne peut pas partir à la chasse avec ça. Mais sinon, les conseillers vont être sur place pour fournir des conseils, peut-être de la façon de présenter les informations sur le curriculum vitae. Donc ça, c'est le premier service qui va être offert. L'autre service, comme Marie-Ève a un peu abordé, c'est qu'il va y avoir des conseillers qui vont être là pour donner des conseils aux gens, les aider à se préparer à rencontrer les employeurs, parce que souvent, on va avoir une espèce de nervosité à savoir, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je pose comme question, comment aborder l'employeur. Je veux faire une bonne impression, je veux qu'il s'intéresse à moi, mais comment, par quel côté je prends ça? Donc, il y a des conseillers du Carrefour Jeunesse Emploi de Trois-Rivières, de la MRC des Chenaux, qui vont être sur place pour aider les gens à finalement briser la glace, à trouver les bonnes questions à poser, à aller chercher l'intérêt, tout ça. Donc, quand va venir le temps d'aller rencontrer les employeurs qui vont être sur place, ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là pour eux, pour les visiteurs, en fait. OK. Et puis, Stratégie Carrière, oui. C'est quoi ça? Stratégie Carrière, c'est un autre organisme qui travaille ici dans la région au niveau de l'employabilité. Et Stratégie Carrière, pour la première année, vont être avec nous. Et eux, le mandat, ça va être de rencontrer les étudiants étrangers, les nouveaux arrivants, okay, les personnes immigrantes. Donc, pour leur expliquer un peu la recherche d'emploi en région ici, comment ça se passe. Et avec eux, vont être sur place les services d'accueil des nouveaux arrivants de la région de Mauricie. Donc, il y en a pour les quatre régions de la Mauricie. Alors, ces gens-là vont être sur place, donner des conseils aussi sur l'intégration à la société mauricienne, comment bien vivre l'intégration professionnelle, comment bien s'installer à la région, donc aussi l'intégration sociale, l'intégration personnelle. Donc, ces gens-là vont être aussi sur place pour rencontrer les étudiants internationaux, les immigrants, les nouveaux arrivants. Présenter les ressources. Exactement. Parfait. Ça, je connaissais vraiment pas ça, en fait. Carrefour Jeunesse Emploi, évidemment, quand on fait un peu de recherche d'emploi... Il y a de plus en plus d'immigrants dans la région, surtout ici à l'université, donc c'est pour ça qu'ils sont avec nous cette année. Ah, une très bonne idée, très bonne idée. Et puis, c'est ça, en fait, c'est mercredi de 10h à 16h. Aviez-vous quelque chose à rajouter? Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Parce que j'ai entendu dire que grâce à un de vos partenaires, il y avait un concours pour gagner un iPad. Mathieu Plante. Mathieu Plante, il a identifié le prix à gagner. Effectivement. Alors, pour les étudiants, en ce moment, les étudiants à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui se présentent à la journée carrière, qui font le tour des kiosques et qui, à la suite de leur visite, remplissent le sondage qui va être disponible à la sortie, ils courent la chance de gagner un magnifique iPad. Et je pense que le premier visiteur qu'on va avoir à la journée carrière se nomme Mathieu Plante. Voilà. Tu sais tout. Et ceux qui ne sont pas étudiants, ils peuvent acheter un iPad à la coop. Ils courent la chance d'acheter un iPad à la coop. Ils courent la chance d'avoir un nouvel emploi. C'est même pas rien. Et avec les sous, avoir s'acheter un iPad. C'est ça. Peut-être travailler à la coop. Peut-être que c'est un bonus de fin d'année. Je sais pas. Donc, journée carrière, mercredi prochain, ici, juste à côté, au CAPS. Tout le monde est bienvenu. De 10h à 16h. Voilà, tout le monde est bienvenu. C'est tout à fait gratuit. Amenez-vous avec vos CV et votre plus beau sourire. J'imagine pour les étudiants, la carte étudiante est de mise pour le concours. Oui. On demande le code permanent, bien sûr, pour s'assurer que Mathieu Plante est bien étudiant ici à l'université. Faites bien ça, en tout cas. Merci beaucoup encore et puis bon succès à vous. Merci beaucoup. Voilà. Oui, merci beaucoup, Mme Perron, Monsieur Martel. Un plaisir. Fort agréable. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Le carnaval, vous le savez, ça a lieu en ce moment. Tout à l'heure, on va en parler encore un petit peu, mais avant ça, voici Tokyo Police Club et Nautique. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. Thank you. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Il fait un froid de canard et février demeure le mois le plus tough. Et dame nature pousse sa loque. Voilà que les plus braves déblaient la glace et mettent la table. Le hockey est à la carte. Et certains disent qu'un prodige serait au vestiaire. Un bébé de tulip enfoui sous un gros pied de terre. Un genre de qui la fleur évoluant pour sa prospère. Mais qui patine pas, qui joue en stick. L'athlète semble venir d'ailleurs d'un long voyage en porte-conteneur. Mais c'est des oui-dire, il y a son passeport, il y a sa paperasse et il y a le CH tatoué sur le cœur. Ouais, il y a le CH tatoué sur le chest. Et certains disent Benjamin avec Crosby. Il met la marque d'enfant chaque fois qu'il se pointe la face à la glace. Oh ouais, c'est une machine. Il aurait pu jouer pour la Grande Ligue, mais s'il patine pas, il joue en stick. Non, il patine pas, il joue en stick. Je voyais de rire à mon adversaire. Il est en train de fêter. Oh, et la gagnante qui veille être au grain lui sert un solide coup d'épaule, mesdames et messieurs. Vous voyez d'être ébranlé. Sur la glace, il ramasse les dents. Pendant ce temps-là, Marchand se sauve avec la rondelle. Le long d'abord, il file, il vole. Le bouquin est en feu, mesdames et messieurs. Il passe à Mercure. Mercure devant le défenseur. Le dévoue habilement. Renvoie à Marchand. Marchand zigonne avec la rondelle. Le renvoie à Mercure. Lancé sur réception. Et sur le but. Et quand le ref drop la poque, on peut sentir toute l'onde de choc. Le slap shot résonne comme un grand coup de gun. Non, c'est l'EHPAD du Golden Goal. Les gens vivants, les places de l'âme. Les hôtières de la partie. Les embrunis de l'œil de l'ouragan. Les frères Goyette, The Goyette Brothers. Avec la pièce Mercurion de parenthèse, puis Mercure à assemblage requis. Les Goyette Brothers. Oh, hein? Il y a Goy! Goy. Il parlait de Crosby, là. Oui, de hockey. De... Mais il parle souvent de hockey, je trouve. Oh, ouais, vraiment. Puis la balle dans mon camp, ça parle de sport, tu sais. C'est bon, j'aime ça. Ben, mais hein? Vous êtes à assemblage requis, il nous reste une demi-heure ensemble. Stéphanie Gagné s'en vient avec sa chronique Ton plat favori sur ses coups de cœur du moment et Take Me Out avec les sorties spectacles. Mais avant ça, François... Mais avant quoi? Mais avant ça, retournons voir qu'est-ce qui se passe parce que c'est le début du carnaval aujourd'hui. Oui! Oui! Et ça se déroule jusqu'au 27, donc jeudi? Jeudi, lundi ou jeudi, un peu comme nous. Oui. Ça va être fort intéressant. Beaucoup d'activités d'ailleurs dans le pavillon. Ça va donner de la vie. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Poum, ti poum, ti poum, dance floor, go! Voici la programmation du Carnaval étudiant pour ce lundi 24 janvier. Dès 10h, la parade intemporelle. Midi 15, le défi sculpture. 14h, extrême disque volant ultime. 16h, prestation musicale. 19h30, Dieu marchi. Et 22h, le party d'ouverture avec Delta 20 et Dance Lurry Dance. Pour connaître l'ensemble de la programmation et les lieux d'activité, veuillez consulter le cahier des participants au www.uqtr.ca/carnaval et syntoniser C'est fou durant les émissions quotidiennes. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. 89.1. Ah, c'est fou, la rouleuse. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Malajube, la pièce Montréal moins 40 à Assemblage requis au 89.1 FM. On se réécoute du bon vieux Malajube, hein, sachant que le prochain album de Malajube, La Caverne, s'en vient au mois de mars. Très, très, très. Ouais, très ça rare. S'en vient. Oh oui. Oh oui. Je pense que c'est pas, on se cachera pas d'affaires. Oui, on a hâte. Tout le monde a hâte. Stéphanie a hâte. Stéphanie s'en vient avec sa chronique à ton préféré. Stéphanie s'en vient courant. Dans quelques minutes à peine. Mais nous, pour l'instant, on va retourner en musique. François-Olivier, qu'est-ce que t'en penses? J'adore le concept. Tu peux même, si tu veux, me suggérer quelque chose. Je suis tout oui. C'est tout le temps le même. Sérieux, à chaque fois. Okay, ah ouais, je vais le prendre pareil une dernière fois. Hey, toi aussi, tu fais jouer des trucs. Ouais, j'aime ça de te chialer, mais je fais la même chose. Mais qui a bien chanté bien? Un. Okay, donc je t'aime bien, oh. Ça veut dire. Allô, allô. Tu me chantes bien aussi. Allô, je chante très bien aussi. Et puis, souvent, c'est quoi l'autre phrase là? Qui se ressemble, ça semble? Ouais. Et assemblage requis pour toi aujourd'hui. Ça a failli être ça, notre nouvel enrobage. Ben, on s'est ravisé. Pop, une petite joint. Finalement, non. C'est ce que tu veux. Ah, c'est, ben, celle que je veux. Je connais pas l'album de Final Flash français. Pas grave. Écoute, il doit bien avoir des chansons qui te disent de quoi là-dessus. Ah, est-ce que tu veux qu'on y aille avec une pièce qu'on a jamais entendue? Non. Non. Non, c'est ça. Chosen Generation, tiens. Pourquoi pas? D'accord. Bon, ben, de Final Flash à Assemblage Rookie. Et après ça, Stéphanie Gagné s'en vient. Très bon choix, Mathieu Plan. Oui, merci, merci. J'adore cette pièce-là. Final Flash. Final Flash avec la pièce Chosen Generation, qui se retrouve d'ailleurs sur le bon album. L'album Homeless, c'est celui-là. C'est ça. Merci. J'avais une perte idéologique au niveau de... T'as l'air d'avoir des pertes assez fréquemment. Ouais, ça m'arrive souvent. Des pertes. Bon. On va parler de choses un petit peu moins... En tout cas, perte, là, bon. Avec Stéphanie Gagné. Stéphanie qui nous arrive à l'instant. Salut. Ça, OK, tu veux t'amuser? Hey, sacrifice, Madame la Majesté. Hein? Ne parle pas tant que son thème n'est pas arrivé. Dis donc, Jean-Di pour que je puisse partir de la musique. Non? Jean-Di par la musique? Jean-Di par la musique. Bon. Take me out! Ah, j'aime ça. Stéphanie est aussi ordonnée que moi. Il faut des choses dans l'ordre. Non, mais c'est juste bizarre de parler quand que t'es pas encore censé être en onde parce que ta chronique est pas commencée. Je trouve ça bizarre. T'es un petit peu... Ouais, ben non, mais... T'arrives comme ça, out of the blue, c'est bizarre. Je suis bien d'accord avec elle, par exemple, sur l'affaire. Mais c'est... Ouais. Donc, Stéphanie, sortie spectacle du moment. Qu'est-ce qu'il y a de neuf à faire dans le coin ou ailleurs ou... Dans le coin, il n'y a pas grand-chose. Okay. Ailleurs, il y a quelques spectacles. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine, mais je vais quand même vous en énumérer quelques-uns. Alors, ce soir, il va y avoir Bernard Alamus au Lion d'Or du côté de Montréal. La semaine passée, je t'avais parlé de Robin dans Guess What. Ta chronique d'actualité artistique et culturelle dans les Palmarès, c'est fou, jeudi 14h à 17h. Exactement. Alors, c'est ça, Robin va être en spectacle deux fois cette semaine au Québec, le 27 janvier au Métropolis et le 28 à l'Impérial. Le 27 janvier, il y a aussi Braids qui va être à la Maison des Arts de Laval. Ah. Et le 30, Gigi French, qu'on connaît surtout pour sa collaboration avec Mister Valère, va être en spectacle au Quai des Brumes. Et même soirée, le 30, il va avoir Joshua Radin au cabaret La Tulipe. Et la semaine passée, quand on avait parlé de Robin, tu m'avais dit que tu la connaissais pas. Non, c'est Alors, ça. Alors, je me suis dit, je vais faire jouer une chanson de Robin. Mais tu m'as dit par le fait même quelque chose qui pourrait peut-être me dire que j'aimerais peut-être pas ça. Là. Peut-être, mais je suis pas sûre. Tu disais que c'était pop un peu. Là. Très pop. Très pop même. C'est très pop, là. C'est rose. Là. C'est rose. Ça goûte le bonbon? Ouais, mais j'aime très... bien les bonbons. On a appris à assemblage que j'ai une armoire à bonbons à la maison. Donc... Une tablette, excuse-moi, dans l'armoire. Donc, on va voir. Si c'est trop pop, je te le dirai, puis j'irai me prendre un petit verre d'eau pour faire... un café Baileys. Ouais, oh. Tente-moi pas tout de suite. As-tu commencé, ça, là? Ben, ça commence à 8h. Et Colin, est-ce que je vais réussir à tenir jusqu'à la fin de l'émission sans ça? Bon, alors, c'est ça. C'est Robin avec la pièce Dancing on My Own de son premier album Body Talk. Body Talk Part 1. Assemblage requis au 89.fm. watching you kiss her. Oh. Bon, j'aurai besoin de plus qu'un verre d'eau. Ça va être un sac de chips, sel et vinaigre aussi pour enlever le sucré de ma langue. Je te l'avais dit, hein? Steph, c'est sucré. Je sais. C'est très, très pop. Wow. J'écoute pas ça tous les jours non plus. Non. Tu sais, comme à moi, je suis plus groupe gars. Mm-hmm. J'écoute plus des groupes masculins. Fait que ça, c'est quelque chose. J'écoute pas l'album au complet. T'écoutes une chanson à la fois, puis c'est en masse. C'est très, très d'autres choses, hein? Ça ressemble à bien des choses que j'ai entendues, hein? C'est. Told you. Robin, assemblage requis dans la chronique Take Me Out de Stéphanie Gagné. Yeah. Voilà, c'est tout pour Take Me Out? C'est tout, on va switcher à l'autre. On transition. Switcher à l'autre. Toujours de façon extrêmement subtile. Donc Stéphanie Gagné avec ton plat favori. Stéphanie Gagné, qui revient à ses plats favoris parce que ça fait un bout que t'as pas fait ça, là. Assez, oui. Je sais pas, moi, début, mi-décembre. Que tes plats s'empilent dans le rack à vaisselle. Ouais, j'en ai une couple. J'ai déjà toutes les prochaines semaines de prévues. Ah ouais. Pour de vrai, j'en ai au moins trois. C'est que si tu trouves quelque chose de nouveau que t'aimes, là, tu pourras pas l'intégrer dans ta chronique ou tu vas repousser les autres à plus tard? Non, mais comme, admettons, des films, j'en parlerai pas ailleurs. Fait que je peux en parler la semaine prochaine ou bon. L'autre d'après. Donc, de quoi tu nous parles cette semaine? C'est justement un film. Durant le temps des fêtes, je me suis remis un petit peu à jour dans les films. Alors, pour les prochaines semaines, je vais sûrement parler de plusieurs films que j'ai vus durant le temps des fêtes. Mmh. Et là, le premier, bon, c'est pas un film malade. Un grand chef-d'œuvre. Non, pas en tout, là. Mais ce que j'ai aimé, c'est la trame sonore puis l'histoire générale, les acteurs super drôles. C'est le film Easy A avec Emma Stone, qu'on connaît de Superbad, de Zombieland. Il y a aussi d'autres bons acteurs, Penn Badgley, Amanda Bynes et Stanley Tucci, que j'adore, là, The Devil Wears Prada. Okay, oui. Le coco rasé avec les petites lunettes, là. Ouais. Il est vraiment cool puis il est tellement drôle dans le film, là. Ouais. Moi, Amanda Bynes, je trouve qu'elle commence à vieillir mal, non? Bon, je sais pas, de toute façon, ça tourne pas du tout autour d'elle. Ah, mais quand même, moi, ça tourne autour d'elle, c'est Amanda Bynes. Ouais, mais le film tourne autour de Emma Stone. Ah, OK. Dans le fond, c'est Emma Stone joue le rôle de Olive. Et Olive veut pas aller en camping avec la famille de sa meilleure amie pour le week-end. Alors, elle fait semblant qu'elle a un rendez-vous avec un gars. Mais c'est complètement faux, elle fout rien de sa fin de semaine. Elle danse toute seule dans sa chambre sur une pièce Pocket Full of Sunshine. C'est tout ce qu'elle fait de sa fin de semaine. Après la fin de semaine, sa meilleure amie dit « Pis, comment c'est allé? » Nanana. Puis là, elle dit pas trop de détails parce que c'est faux, hein? C'est tout inventé. Et là, sa meilleure amie, là, « Oh mon Dieu, t'as couché avec! » Puis tout ça. Puis là, finalement, Olive est tannée de se faire écœurer. Donc, elle dit « ben oui, j'ai couché avec, même si c'est pas vrai. » Donc là, sa réputation part qu'elle est déviergée, tout le kit. Oui, non. Oui. Hey, ça a l'air écœurant comme film. Attends, c'est pas fini. Et là, en même temps, à l'école, ils lisent le livre The Scarlet Letter. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça parle d'adultère, une femme qui doit porter un A sur ses vêtements. Parce qu'elle a commis... Parce qu'elle a commis l'adultère. Mm. Et là, la fille Olive, elle se fait demander par un de ses amis qui est gay de faire semblant qu'ils ont couché ensemble pour qu'ils arrêtent de se faire écœurer. Ah. Fait que là, elle le fait, mais là, c'est rendu que tout plein de gars qui sont pas populaires veulent faire le même deal. Ils donnent de l'argent pour qu'elle fasse semblant. Mais là, réputation assez horrible qui s'ensuit. Mais elle a décidé d'assumer ça et de mettre des vêtements assez provocants. À vrai dire, c'est pas vraiment des vêtements, c'est vraiment des... Des bouts de tissu. Ouais, des bouts de tissu, là. avec le A de brodé toujours sur chaque vêtement. Donc, elle décide vraiment d'assumer ça, mais ça... D'où le Easy A. Oui, d'où le Easy A. Bon, wow. Mais bon, ça chamboule vraiment, mais c'est vraiment drôle comme film. C'est juste un film pour le divertissement seulement. Mm-hmm. Mais la trame sonore est super bonne. Il y a une reprise de Bad Reputation de Joan Jett. Ah ouais? Il y a aussi une reprise de We Go Together, chanson du film Grease de 1978. Mm-hmm. J'adore cette pièce-là. Il y a aussi du Angus and Julia Stone, Remy Nicole, Lenka, The Yayus. Et une pièce que j'ai bien aimée, Sweet Thing, un groupe de Toronto qui a sorti un album homonyme l'an dernier. C'est du pop rock super accessible. Là, mais accessible, ouais. Est-ce que c'est vieux? Non. Pièce, non? Okay. Non, l'album est sorti l'année passée. D'accord. Alors, c'est ça, on va aller écouter Sweet Thing avec la pièce Change of Seasons. Assemblage requis dans le bloc, ton plat favori. Avec la pièce Change of Seasons de la trame sonore de Easy A. Wow, Steph! T'es très, très bonbon aujourd'hui. Je sais. Je trouve. Mais bon, c'est un genre. C'est un ben style. Oui. C'est un genre. Mais, non, mais j'aime bien cette pièce-là que t'as fait jouer. Je l'aime bien. Pour une pièce pop, mainstream et très, très accessible, comme tu disais, je l'aime bien. Bon. L'autre avant, je l'aime pas. Ben, je te l'avais dit que t'allais pas aimer ça. C'est bien trop pop, fille, bonbon, gaga pour toi. Robin, ouais, ouais, bon. Bref, merci beaucoup Stéphanie. Très bon plat favori. J'aurais pas le temps de te faire mon dessert aujourd'hui, mais je vais le remettre à une prochaine fois. Je te le promets, c'est Guster avec la pièce de You Love Me. C'est très très bon. Ah, je connais pas. À la semaine prochaine, alors. À la semaine prochaine. À très bientôt, Stéphanie, avec sa chronique, ton plat favori et Take Me Out tous les lundis. Merci, Steph. À 8h30 dans Sondage Rue. Il faut se dépêcher parce que le temps file. Oui, le temps file. J'aimerais ça si ton nom était Phil, j'aurais pu dire le temps file comme Philippe quelque chose, mais c'est pas Philippe Doucet, son nom, c'est Nicolas Ducharme. Fait que c'est plate, ça. Pas de jeu de mots à faire avant tout. Ah! Je réponds pas. Salut Nick! François, tu m'as déjà dit de ne pas l'encourager. C'est comme ne pas nourrir les animaux. Oh, les animaux! Ça va bien, messieurs? C'est testable. Ouais, salut Nicolas Ducharme, douche. Douche, ouais, douche. Dans ce cas-ci, ce matin, je l'assume. Ben, c'est ça. Je vais l'utiliser plus fréquemment maintenant, je pense. Donc, ton émission, les conduits de partie s'en vient dans 3 minutes plus les nouvelles. Quoi de neuf? Ah, ben écoute, on va parler des Patriotes du qui ont disputé deux matchs en fin de semaine, un vendredi, un samedi, à Montréal et à Ottawa contre McGill. On a eu une fiche de 1-1, donc une victoire, une défaite. On va revenir là-dessus. On va revenir aussi probablement sur le gardien partant des Patriotes, Jean-Christophe Blachard, qui a perdu son net, comme on dit. Ah ouais? Donc, pas qu'il ne trouve plus son filet, c'est plutôt qu'on ne le laisse plus aller devant. On l'a laissé filet. Ouais. OK. Fait que... il est tout content. Hey, une joke de hockey. Vraiment, le match oui. te dépasse ce matin. C'est clair. On va parler aussi... hockey junior majeur, les cataractes qui est en action cette semaine. Philippe Doucet va nous faire sa chronique foot européen, comme à tous les lundis. C'est les lundis football. Mm-hmm. On va parler de football de l'autre côté du continent, c'est-à-dire le NOT, les séries éliminatoires de la NFL. Qui, le Super Bowl qui s'en vient. Oui, les séries sont continuées cette semaine. C'est en fin de semaine plutôt. JP Grenier va se joindre avec nous, va nous parler de ça. Et on va peut-être toucher à la série Québec-Montréal. Du moins, on va dire nos opinions là-dessus. On va avoir un petit débat. On est de loin avec un bâton. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que t'as pas tard. en tout cas, dans mon cas, là. Quoique le calibre est pas si pire. J'ai regardé hier, là, j'ai fait l'effort. J'ai regardé. Et le calibre est bon. On écoute ça donc tantôt. L'inconduit de partie à partir de 9h. Merci beaucoup, Nick. Ça fait plaisir. Très bonne émission à toi et très bonne diffusion des matchs sur le cifou.ca vendredi dernier. On en reparlera de ça. Oui. Nous, on doit se quitter. On n'a pas le temps. Les nouvelles s'en viennent. Par contre, restez à l'écoute pour l'inconduit de partie. Puis le dîner de con à 11h. On se retrouve demain matin à 7h avec Émilie Gauthier, sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi à 7h, 89 FM. C'est fou. Bonne journée, François. Bonne journée, Mathieu. Et à bientôt. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.